Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, à savoir la 490e émission depuis le début de l'histoire El Banger. Encore une dizaine de petites émissions, et puis on aura fait les 500 tourons. Dans l'émission de ce soir, on a de nouveau une livraison de nouveautés, 8 groupes précisément. De l'international et du français, du Exhumed, du Guttural Engorgement, du Fall of Seraph, du Headshot, du No Return, etc. etc. On va pas tous les présenter maintenant, on va se les émietter. Voilà, tout au long de l'émission de ce soir, émission que l'on commence tout de suite avec une première nouveauté, Exhumed, donc les vétérans du Gordes Ricain qui accusent une trentaine d'années d'existence. Voilà, ils sortent là leur 8e album studio. On est toujours sur un Dels old school, cradingue, dégoulinant, violent, groovy à souhait. Absolument rien de neuf dans leur recette, mais voilà, ça fait sacrément bien le taf. C'est toujours fait avec autant de sincérité et d'application. Donc voilà, Exhumed sort son 8e effort studio intitulé sobrement To The Dead. Une sortie toujours chez Relapse Records. On s'écoutera le morceau Drained of Color. Et d'autres vétérans juste après, les Allemands de Tankard avec le nouvel effort studio Pavlov's Dogs. 18e effort studio pour les teutons. Et on s'écoutera le titre Exfluencer. C'est parti, Exhumed, Tankard, et bienvenue dans l'émission de ce soir. pour la suite doublette suivante, avec une autre nouveauté pour ouvrir cette nouvelle doublette, Wessenville, tout d'abord, une formation qui nous vient de Hollande. Ils existent depuis une petite dizaine d'années, ils sortent là leur troisième effort studio, toujours signé chez les Acteurs de l'Ombre. Musicalement, on retrouve un black plutôt prog, limite avant-gardiste, assez moderne. C'est un gros pavé, hein, toujours à écouter Wessenville, faut prendre le temps de le digérer et de l'apprécier. On peut forcément rapprocher ça d'un Despel Omega ou un peu ce qu'on peut retrouver sur la scène islandaise. Des passages toujours extrêmement violents et d'autres vachement plus viscéraux, mid-tempo vraiment hypnotiques. Et c'est particulièrement le cas dans le titre que l'on va s'écouter ce soir. Et puis bien sûr, pour petit rappel, en 2021, le précédent album studio qui était sorti, donc le groupe assez prolifique ces dernières années, avait bénéficié d'un focus hein, dispensé par l'ami Thibaut, notamment autour de son univers et de la musique qui s'en rapproche. À voir si ce troisième effort studio de Wessenville charmera autant notre Thibaut. Clutch en doublette avec Wessenville, la formation de stoner hard rock Riken, qui sort un Sunrise on the Southern Beach, toujours efficace et bondissant. On s'écoutera le titre Three Golden Horns, et juste avant ça, Wessenville avec le titre Transformation. We'll be right back. déroule tranquillou, nouvelle doublette, cette fois 100% américaine, avec tout d'abord les vétérans du Gore Death, et oui, encore, hein, du Pathos Death même, après les Exhumed en ouverture d'émission Autopsy. Le groupe nous sort son très très bon 8ème effort studio, tout comme Exhumed. Morbidity Triumphant, on en a déjà parlé les semaines précédentes, une sortie Peaceville Records, on s'écoutera le titre Slaughterer of Souls. Et dans la doublette avec Autopsy, les Québécois de Get the Shot. Le groupe nous sort un Merciless Destruction, et bien, ma foi, vraiment efficace. La semaine dernière, je l'ai un peu décrit brièvement, un peu tailladé, hein, 4ème effort studio, 15 ans d'existence, et le premier album en 5 ans, hein, le précédent remonte à 2017. Get the Shot, toujours sur un hardcore, trash hardcore, hyper agressif et frontal. On sent dans l'intégration de cet album au niveau des effets, de la prod, du type de chant et de quelques petits effets guitare, une grosse influence Knuckles. Également, voilà, le groupe qui part en tournée avec Lionheart. On retrouve un guest avec le vocaliste de Lionheart. C'est d'ailleurs finalement, à mon sens, un des morceaux les moins intéressants de l'album. Le petit reproche qu'on peut faire à Get the Shot, c'est qu'ils sont vraiment efficaces sur les titres très courts, très frontaux. Là, il y a quelques morceaux qui traînent un peu en longueur, hein, qui avoisinent et qui dépassent même les 4 minutes. C'est un peu le reproche que je ferais. Sinon, sur la durée, ça reste efficace et putain de punchy. Autopsy, Get the Shot. Et Get the Shot, on s'écoutera le très très bon Divination of Doom. C'est parti. We'll be right back.

autre nouveauté pour ouvrir cette prochaine doublette, Gevura. Ça, c'est un groupe qu'on vous a déjà diffusé, parce que le nom est pas banal. Groupe québécois également, hein, qui nous fait du black metal également, hein, ce qu'on va retrouver un autre groupe dans le style un peu plus tard dans l'émission. Un duo actif depuis une dizaine d'années, ils sortent là leur second album studio chez Profound Lore Records. On est sur un black plutôt intense et qui, un peu comme Wesenweil qu'on s'écoutait un peu plus tôt, nous attrape d'entrée de jeu et nous lâche vraiment comme un crachat à la fin de l'album. Musicalement, on est aussi un peu sous influence de la scène islandaise et de certaines formations françaises, tout comme Auzots. Voilà, et même au niveau des parties lignes vocales, c'est bourru, vraiment brut de pomme, et parfois même à la frontière du death metal, ce qui donne encore un autre niveau d'intensité, niveau agressivité de la musique de ce nouveau Gevura. En doublette, on s'écoutera à Queensrÿche, le groupe de Heavy Prog, qui fête ses 40 ans de carrière cette année. Voilà, 15e effort studio, toujours quali et inspiré, la musique de Queensrÿche. Au niveau des morceaux, Gevura at the Orient of Eden, une sortie Profound Lore Records, donc l'album s'intitule Guinea Home, Queensrÿche, le morceau Sick Death, extrait de l'album Digital Noise Aliens, c'est parti. We'll be right back. Pour la suite, encore une nouveauté, mais ce n'est pas la nouveauté qui ouvre la doublette. Tout d'abord, donc Wolf Earth, groupe de Melodes qui nous vient de Finlande, actif depuis une dizaine d'années. Une disco déjà bien généreuse, hein, puisqu'ils sortent là leur sixième effort studio. On est sur du Melodes scandinave de la plus pure des traditions, alternance de chants clean et de gutturaux, avec des passages bien épiques, mélancoliques, violents. Voilà pour décrire brièvement et très succinctement la musique de Wolf Earth. Et en doublette, un trio venu des États-Unis de grindcore hardcore punk, actif depuis une bonne douzaine d'années, Cloud Rat. Ils sortent là leur quatrième album studio. Bon, autour de ça, on a une foultitude d'EP et autres splits. La particularité de Cloud Rat, une fois de plus, c'est que c'est une femme qui tient le micro. Une putain de furie enragée et engagée. Ça arrache musicalement du début à la fin. 15 titres pour 30 minutes, c'est radical, ça va à l'essentiel. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer avec ce nouvel effort studio, une fois de plus, de Cloud Rat. Wolf Earth, on s'écoutera le titre Ancestor, extrait du très sobre album King of the North, une sortie de Napalm Records. Cloud Rat, on s'écoutera le titre Cusp, extrait de l'album Threshold. C'est parti! We'll be right back. toujours à l'écoute de l'émission El Banger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On attaque avec la doublette suivante qui va nous faire entrer dans l'aspect française avec une entrée de cet aspect, j'allais dire ultra qualitative, en même temps on vous diffuse rarement de la merde pour ainsi dire, mais surtout un groupe qui a bénéficié d'un focus et un groupe qui peut-être en aura un dans les semaines à venir. Nous aurons donc tout d'abord les Orléanais de Worms qui nous sortent encore une pépite de black metal. Sarkral Lumaneor, la lueur contre les fléaux. On s'écoutera le titre entre gueux et rats. Worms, donc voilà, petit focus la semaine dernière, un album extrêmement riche, qualitatif sous toutes les formes. Voilà, qu'on vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir. Et en doublette avec Worms, Birds in Row, le groupe de Emocore, Hardcore Violence, qui nous sort un nouvel effort studio, Griclin. Ce nouvel effort studio est déjà disponible, on s'écoutera le morceau Noah. Et pour rappel, Birds in Row sera en concert à Tours au Bateau Yves dans un peu plus d'un mois, le 25 novembre. C'est parti, Worms, Birds in Row.